FrenchPod.com. Tu vois tous ces caractères présents sur l'obélisque ? Incroyable cet enchevêtrement de signes. Je me demande comment ils se sont débrouillés pour déchiffrer les hiéroglyphes. On ne te l'a jamais dit ? Non. J'ai ouï dire que c'est un Français qui est à l'origine du déchiffrement des hiéroglyphes, mais ma connaissance en la matière se limite là. Je suis féru d'égyptologie. Je vais pouvoir t'éclairer. C'est un dénommé Jean-François Champollion qui parvint à percer le mystère. Il étudia les langues anciennes au début du 19e siècle et se découvrit rapidement une passion pour les hiéroglyphes. Ensuite, grâce à la pierre de Rosette, dont il arriva à se procurer une copie des inscriptions... Attends, la quoi ? La pierre de Rosette. Bon, je t'explique en deux mots. C'est un fragment de stèle qui fut découvert en 1799 par un officier du génie de l'armée de Napoléon lors de la campagne d'Égypte. Et en quoi cela a-t-il pu aider Champollion ? L'intérêt de cette pierre est qu'on y retrouve le même texte reproduit selon trois systèmes d'écriture différents. Des hiéroglyphes, du démotique et du grec. Ah, j'imagine qu'il procéda alors par recoupement. Tout à fait, mais ce fut un travail de longue haleine. Il commença en 1807 et ce n'est qu'en 1822 qu'il put affirmer avoir découvert un système de déchiffrement des fameux hiéroglyphes. Impressionnant. Mais j'ai une dernière question. C'est qui Rosette ? C'est un lieu, mon ami. C'est le nom francisé de la ville de Rachid en Égypte, où ils ont trouvé la pierre. Ah.